C'est maintenant le moment de profiter de la méga-vente prix employé fort chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien et Robertval. On a pour vous des rabais incroyables jusqu'à 16 000 en plus de prix vraiment bas parce qu'on liquide les modèles 2019 restants. Vous en voulez plus? On ajoute les rabais fidélité sur certains modèles et les rabais pour les nouveaux diplômés. Et comme on a besoin de véhicules d'occasion, on vous en donne toujours plus pour votre véhicule d'échange. Viens nous voir et toi aussi tu pourras te vanter d'avoir obtenu le même prix qu'un employé chez Ford. C'est un rendez-vous chez Jean-Dumas Ford. Passer un petit peu inaperçu, il y a juste Martin Leclerc, je pense, sur le site de Radio-Canada qui en parle. Quoi qu'il en soit, c'est une date historique dans l'histoire des Nordiques de Québec. Il y a 40 ans aujourd'hui, les frères Peter et Anton Stachny passaient à l'ouest, comme on disait, parce que dans le test, c'était, il y avait l'est et l'ouest. Et c'était quand même quelque chose de très, très gros à l'époque, évidemment. On en parle avec celui qui était à l'époque... journaliste au Journal Le Soleil également. Moi, je l'ai écouté sur son podcast sur l'histoire des Nordiques, Maurice Dumas, pour parler de cette fin historique sur l'histoire des Nordiques. Bonjour, Maurice. Oui, bonjour. Maurice, ça a été vraiment un événement marquant dans l'histoire des Nordiques. Je parlais la semaine passée, parce que Dale Howard Chuck est décédé la semaine passée, puis je faisais une entrevue avec Stéphane Lebeau, je faisais une entrevue avec Phil Legagne, que vous connaissez bien aussi, puis je disais que Dale Howard Chuck avait mis au monde les Jets, parce que c'était une équipe de l'Association mondiale, et Peter Stachny avait fait la même affaire pour les Nordiques également. Je pense que les Nordiques étaient arrivés avec l'arrivée de Peter et d'Anton. Oui, bien, c'est-à-dire, ça a été un moment marquant dans l'histoire des Nordiques, parce que si vous vous souvenez bien, les Nordiques, leur première saison dans la Ligue nationale, c'était terminé dans la controverse. Les histoires avec Jacques Demers et puis même Marc Tardif et Réal Cloutier. Et puis, l'équipe avait joué pour 500 jusqu'à la mi-saison et puis avait été absolument affreuse dans la deuxième moitié. Et pendant l'été, le meilleur compteur de l'équipe, Réal Cloutier, s'était fracturé un pied en jouant à balle molle. Alors là, les Nordiques venaient d'avoir une première mauvaise saison difficile. Leur meilleur joueur se blesse. Alors, c'était pas rose. Et tout à coup, Peter et Anton arrivent. Alors, ça a changé le cours de l'histoire des Nordiques, l'arrivée des deux Stachny. Question que je me pose, est-ce qu'ils n'ont pas passé par le repêchage? Puis, étais-tu considéré comme joueur autonome pour faire ça? Comment ça marchait dans le temps? C'est-à-dire que les Nordiques avaient repêché Anton. OK. Les Nordiques avaient repêché Anton en quatrième round en 1979. Okay. Ça, c'était pour, disons, c'était un peu pour ficeler la famille avec les Nordiques qu'on avait repêché Anton. Mm. Et puis, il faut dire que la saga des Stachny, là, c'est l'œuvre complète de Gilles Léger. Ça. Oui, c'est tout était parti de lui. Alors, en repêchant Anton, et puis par la suite, on a établi des contacts avec la famille. Et puis, Peter et Anton sont débarqués à Québec à l'été de 1980. Mais Marianne est arrivée. Excuse Maurice, Peter n'avait pas d'affaires à passer par le marché. Il était considéré comme joueur autonome. Comment ça marchait? Oui, ces autres, ces joueurs européens-là, à l'époque, c'était comme des joueurs européens. C'était comme des joueurs autonomes. Tu n'avais pas besoin de les repêcher. OK, là. C'est ça que je me posais comme question. Okay. Oh non, tu n'avais pas besoin de les repêcher. Alors... Et puis l'année suivante, un an plus tard, Marianne est arrivée. OK. Ben, c'est ça qui est arrivé. Et Marianne est arrivée la même année que Miroslav Fritscher, qui évidemment a fait partie également de ce qu'on appelle la filière tchécoslovaque, là, parce qu'à l'époque, c'était la filière tchèque. Là. Ouais. Alors, ça a vraiment changé le cours de l'histoire des Nordiques, parce que pendant plusieurs années, le noyau de l'équipe, c'était Marc Tardif, c'était Réal Cloutier, Jean-Claude Tremblay, tout ça. Et puis, avec l'arrivée des Stachny, ça a changé. Les Stachny ont pris le contrôle avec Michel Goulet, Dale Hunter, et puis des joueurs comme Réal Cloutier et puis Marc Tardif qui selon moi, ont rendu des services là, absolument fantastiques aux Nordiques, ont été un peu tassés, là, si vous voulez, là, lorsqu'on parle de la garde d'une équipe. Là. C'était plus eux autres, là. Pour reprendre la vieille expression du sport, ce n'était plus eux autres qui conduisaient l'autobus. OK. Ben, c'est ça, c'est arrivé. Puis ça a eu un impact direct dès le départ. Est-ce qu'ils parlaient anglais au départ, Peter et Anton? Ah, oui, ils parlaient très bien. Il parlait très bien anglais, il n'y avait pas de problème. Puis, je peux vous dire que ça n'a pas été trop, trop long non plus qu'ils ont parlé français, là. OK, ben oui, c'est parce sûr. Parce que je pense, écoutez, ce sont des Européens, hein, et puis, je veux dire, on est très familier avec les langues et tout ça. Je pense que Peter devait parler 5 ou 6 langues, là. Ah, c'était vraiment quelque chose. Ben, aujourd'hui, il est rendu député, je pense, d'un Parlement européen. Ouais, et puis, là, ouais. Plus maintenant, là, c'est... Ouais, OK. Hey, je ne fais plus de politique. Maurice, dis-moi quelque chose. Comment ça faisait combien... Tu as parlé de Gilles Léger, mais ça... J'ai écouté le podcast, puis ça faisait combien de temps que vous que Gilles Léger préparait ça? D'abord, les premiers, c'était en Coupe Canada 76 qu'on a commencé à les connaître, mais ça faisait-tu 2 ans qu'il préparait ça? Ah, ben, ça faisait un bout de temps qu'il préparait ça, parce que Gilles Léger, lui, avait préparé d'autres évasions avant, parce que Gilles Léger était en emploi des Toros de Toronto et par la suite des Bulls de Birmingham dans l'Association mondiale de hockey. Et c'est lui qui avait fait déserter, si vous vous souvenez, là, un excellent joueur, Václav Nedomanski. Okay. Et pour l'emmener avec les Toros, par la suite, il a joué dans la Ligue nationale. Il y avait également eu, lors de cette évasion, Richard Farda. Alors, c'est lui qui... les Nordiques se sont intéressés au Stachny, je dois vous dire. Lorsque Jules Léger s'est joint à l'équipe de la fusion de la Ligue nationale et tout ça, Léger s'est joint aux Nordiques dans le rôle de responsable là, du développement des joueurs et tout ça. Et puis c'est là que ça a commencé vraiment là à germer davantage là. Et puis là, à ce moment-là, Léger s'est servi de ses contacts qu'il avait déjà eu avec des gens en Europe et partout. Et puis, là, ça a conduit à l'arrivée des Stachny. OK. Dis-moi, si on parlait un peu de Peter et Dalton, dès le départ, ça a été vraiment... Il y a eu un impact immédiat dans le club. Il y avait quand même une adaptation. Passer de la patinoire européenne, qui était une grande patinoire, à une patinoire nord-américaine, ça s'est quand même très bien fait. Ça a déjà été, dès le départ, vraiment... Puis ça s'est... Ça s'est très bien passé, puis d'ailleurs, les deux ont eu une excellente première saison avec les Nordiques. Et puis aussi, si vous vous souvenez, à la fin de l'année précédente, Jacques Richard s'était joué aux Nordiques. Ouais. Et puis, la première année des Stachny, c'est Jacques Richard qui a complété le trio, là. Mm. Et puis d'ailleurs, vous en souvenez, il avait marqué plus de 50 buts. Oui, c'est Jacques Richard. D'ailleurs, dans un match à Washington... Peter avait réussi le tour du chapeau, Anton avait réussi un tour du chapeau, et Jacques Richard avait réussi un tour du chapeau, et puis Jacques Richard, par la suite, disait toujours, j'ai jamais vu un tour du chapeau tant passer dans l'oubli, parce que deux matchs précédents à Vancouver, Peter et Anton avaient réussi des tours du chapeau. Dis-moi, vous avez parlé dans le podcast, vous en parlez, quand ça s'est conclu, ils ont fait un téléphone, ils ont sonné, ils ont dit on est prêt. Marcel Aubut et Gilles Léger ont organisé une voiture, puis ils ont dit on y va-tu. On va y chercher. On va y chercher, descend Peter. Puis Peter voulait jouer son match contre la Russie. Pour dire ça à ses coéquipiers, là. Donc, écoute, ça aurait pu mal virer cette affaire-là. Tu sais, si les coéquipiers les auraient stoulés, là, pas stoulés, mais les auraient rapportés, ça aurait pu très mal virer. Ouais, ça aurait pu mal virer, mais par contre, là-dedans. Dans tous ces épisodes-là, il y a eu des exagérations. Il n'y a pas eu de vie en danger là-dedans. Là. Faut pas non plus dramatiser. Là. Ça va pas faire comme dans ses comptes. Non, il n'y a pas eu de... D'ailleurs, Peter l'a toujours dit par la suite, il n'y a pas personne qui a senti que sa vie était en danger là-dedans. Mais c'est sûr que ça aurait peut-être pu mal tourner, sauf que, évidemment, les Stachny dans l'équipe tchécoslovaque, c'était pas mal des piliers. Puis d'ailleurs, ça faisait filer mal bien des dirigeants de la Tchécoslovaquie parce que les trois étaient des Slovaques. Alors, les meilleurs joueurs de l'équipe, c'était des Slovaques et non des Tchèques. Mais il en demeure pour moi. C'est parce que le respect qu'on avait pour ce gars-là, c'est pour ça que, comme Peter a dit, il a voulu jouer son dernier match. C'est parce qu'il prévoyait pas de problème. Là. C'était contre la Russie, effectivement. Puis là, là, un an après, pourquoi Marianne n'était pas là? Marianne en a toujours voulu, d'ailleurs. Ah ben d'ailleurs, disons que ça a déchiré les frères. Parce que au moment de la première évasion, c'était plus compliqué de faire évader Marianne, son épouse et ses enfants, là. C'était, vous vous souvenez, lorsque Potter et Anton se sont évadés, seule la femme de Potter a accompagné Potter, elle était enceinte. Mais à l'époque, la blonde d'Anton est demeurée là-bas. Elle l'a rejoint seulement qu'après fête. Alors, c'est pour ça que Marianne, lui, ça n'a pas pu fonctionner la première fois. D'ailleurs, c'est sûr qu'il y a eu un froid. Il y a eu un froid là, avec les frères, puis un froid qui. Il est encore là. Oh oui, il est encore là. Oui, ouais, écoutez, il y a un froid, là, mais écoutez, ce sont les frères, là, puis comme ils mentionnent, ouais. Le simple fort que tout, là, mais. Ouais. Puis Marianne, ben ça m'amène à vous parler un peu de Marianne, qui. Marianne n'a pas été très chanceux dans tout ça, lui. Parce qu'il est arrivé un an après, il avait été un an sans jouer, il était un peu plus vieux. Il avait rénové la maison aux frais des Nordiques pour faire à croire qu'il allait rester, pour pas se faire écœurer. Oui, ben c'est... Ouais, ben c'était pour détourner un peu l'attention, ouais. Là, ouais. Qu'il avait rénové, qu'il rénovait la maison, puis peut-être, je veux dire, pour rassurer les dirigeants du pays, ben, les dire, ben, il s'en ira pas, regardez, il rénove sa maison. Mais Marianne, il n'a pas eu facile, là, apparaît ça. Mm. Après ses deux premières saisons à Québec, on l'a tassé, là. Mm. Oh. On l'a tassé pas mal fort, parce que sa deuxième saison à Québec, il se fait blesser sérieusement une épaule. Il avait 39 buts en 60 matchs. Mm. Puis la saison suivante, la blessure guérit, puis tout ça, la saison suivante, on l'a cloué au banc dès le premier match de la saison régulière. Il avait été changé au Maple Leafs de Toronto. Je me sens, si je me rappelle bien, il avait connu une bonne année avec les Leafs, hein? Ouais, ça avait bien été la première partie de la saison, mais ça s'était pas si bien terminé que ça. Okay. Mais, tu sais, je veux dire, moi, Marianne, c'est une personne que j'aime beaucoup parce que c'est une bonne personne, puis il l'a pas eu facile, puis aujourd'hui, maintenant, il est malade. On peut pas dire qu'il l'a eu vraiment facile. Non, effectivement. Mais par contre, c'est un excellent joueur de hockey. On l'a vu pendant ses deux premières saisons. Je pense que sa première saison avec les Nordiques, j'ai pas eu le livre devant moi, là, mais il avait 89 points. Puis il était pas content de sa performance parce qu'il disait qu'il pouvait faire mieux. La deuxième saison, il avait, comme je vous dis, 39 buts après 60 matchs, puis il a été blessé. Mais sur la scène internationale, je me rappelle bien, Maurice, tu me corrigeras si je me trompe, est-ce que c'était... Marianne était meilleure que Peter, hein, sur la scène internationale? Ah oui, sur la scène internationale, Marianne, c'était... C'était la grande vedette, là. Ouais. C'était la grande vedette. Par contre, Peter était vraiment en montée, là. Ouais. Mais c'était Marianne, le pilier de l'équipe tchécoslovaque, là, pendant quelques années. Mm. Première année avec les Nordiques, Marianne, 35 buts, 54 passes, 89 points. 60, la deuxième année avec les Nordiques, 36 buts, 43 passes. Et c'est là que ça avait dégringolé. La troisième année, 83-84, 20 buts, 32 passes, 52 points en 68 matchs. Ouais, mais on avait réduit son temps de jeu énormément, là. Ouais. Moi, je me souviens d'ailleurs d'un match à sa troisième saison, un match à Hartford. Okay. Au mois d'octobre, on ne l'avait pas habillé. Et puis, je me souviens, c'était j'étais allé voir Marianne avant le match dans le corridor de l'amphithéâtre de Hartford. Puis, il fallait que je fasse mon travail. J'ai dit, Marianne, Puis là, il m'avait regardé. Il dit, écoute, Maurice, il dit, rends-moi un service, là. Il dit, pose-moi pas de questions, là, parce qu'il dit, je vais dire un paquet de folies. Okay. Et tu sais, dans ce temps-là, à un moment donné, tu comprends les athlètes aussi, là. Mm-hmm. Fait que j'avais dit correct, pas de problème, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'on l'avait traité injustement. Ouais, l'héritage des frères Stachny. Ah, ben, l'héritage des frères Stachny, par contre, savez-vous, je vais peut-être vous surprendre. Ouais. Moi, je trouve que, avec ça, là, puis tout ce qu'on vient de dire, je trouve que c'est une œuvre inachevée pour les Nordiques. Parce que les Nordiques auraient peut-être dû remporter une Coupe Stanley dans cette période-là. Mm. Il y avait une méchante bonne équipe. C'est sûr qu'ils pouvaient... On disait que c'était pas là. Il y avait des années, là, c'était... 7-8 marqueurs de plus de 20 buts, dont plusieurs plus de 30 buts. Puis une année, il y en avait 8 joueurs qui avaient marqué plus de 20 buts. Puis le 9e, c'était Alain Côté, il en avait marqué 19. Mais tu sais, on n'est jamais allé non plus en finale de la Coupe Stanley. Moi, je pense que c'est un peu une œuvre inachevée. Et puis, je pense que les Nordiques n'ont pas complété l'œuvre de la famille Stachny. Effectivement. Mais écoutez, ça, c'est juste mon opinion, là. Moi, je pense qu'on aurait dû. La série contre les Whalers, l'année que les Whalers d'Hartford, vous aviez perdu, je pense, en 3 matchs ou en 4 matchs, j'ai fini le premier rang. Trois matchs. Et cette année-là, probablement, vous auriez dû passer. Trois matchs d'affilée, là. Écoutez. C'était là que cette année-là, vous auriez dû passer. Puis je pense que. C'était même pas proche, là. C'était vraiment déclassé, là. Ah oui, non, c'est pour ça que je parle de. D'ailleurs, j'ai utilisé l'expression dans un podcast, là. C'est un peu une œuvre inachevée. Parce qu'avec tout ça, moi, je pense, et avec tout ce qui avait été mis en place, on aurait peut-être dû. Tu sais, les Stachny, là, avaient vraiment, là, je veux dire, donné un air d'aller au Nordique. Et puis, dans l'espace de peu de temps, on était allé chercher Daniel Bouchard puis Mario Marois. Ouais. Et l'année d'après, on s'était servi de Miroslav Fritscher pour aller chercher Wilfried Pemain. C'est tout un allié, Wilfried Pemain. Et puis, mais par contre, je comprends pas que. L'équipe n'a pas réussi, disons, à aller au moins en finale de la Coupe Stanley. Oui, effectivement. Parce qu'ils ont perdu deux fois. Jay Goulet aussi, était marqué incroyable. Dale Hunter. D'ailleurs, on avait échangé Dale Hunter. Vous me corrigez si je me trompe. C'était un peu pour changer un petit peu la routine de l'équipe. Hein. Est-ce que je me trompe en disant. Tu sais, à un moment donné, quand ça marche pas, quand le Jello lève pas, là, quand il y a, à un moment donné, il faut que tu changes un peu l'équipe pour que. Non, je pense pas. C'est parce qu'Hunter, avant, il avait été changé, si je me souviens bien. Je pense que c'est pendant la saison estivale de 1987. Oui, ça a donné Joe Sagg. Il y avait Gaétan Duchesne, Alan Hayward et le premier choix. Mais on l'avait échangé parce que la saison précédente, il avait été blessé sérieusement. Il avait raté plusieurs matchs. Là. Okay. Et puis les dirigeants des Nordiques croyaient à l'époque qui ne redeviendrait pas le joueur qu'il était. Ils sont pas vraiment mis un doigt dans l'œil parce qu'il a joué pendant au moins 20 ans dans la Ligue nationale. Là. Puis, moi, je l'ai toujours dit, tu sais, on parle beaucoup des Stachny, on parle de Michel Goulet, on parle avant eux, même de Réal Cloutier, Marc Tardy et tout ça. Mais à l'époque là, qu'on parle, je pense que le cœur de l'équipe, là, c'était Dale Hunter. D'ailleurs, l'équipe s'est jamais remis là, de son départ. Par la suite, ça a été la traversée du désert pendant plusieurs années avant là, de remonter à la surface là, après l'échange d'Éric Lindros. Effectivement. Ben, c'est très intéressant, M. Dumont. Plaisir de se reparler. Parlons-tu de la retraite? Parce que vous ennuyez un peu du sport. Moi, cet été, je m'ennuie. Moi, je suis un gros fan de baseball. Ouais, ouais. Et puis, les Capitales sont pas là à Québec cette année, là. Mm. Et puis, je dois vous dire que ça m'a manqué. Oui, j'ai parlé à Michel Laplante en dehors des ondes. Par contre, il est bien heureux que ça n'a pas marché sur son histoire de. Oui, parce que ça aurait été trop compliqué, ça. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. Par contre, ils ont travaillé fort, puis je pense qu'on se prépare pour la prochaine saison. J'ai hâte de voir s'il va réussir à attirer Manny Ramirez à Québec, quand même juste pour un coup de marketing. Ce serait incroyable. Oui, mais par contre, écoutez, quel âge il y a, là. 48 ans, mais j'ai demandé à Michel, puis il dit qu'il n'y a pas de l'air fou encore. Pour le calibre de la Ligue des Capitales comme frappeur de choix, il n'y aurait pas de l'air fou. Peut-être que. Ça pourrait faire comme aussi Canseco, là, qui avait. Ouais, mais disons que je suis un peu. Là-dessus, je suis souvent d'accord avec Michel, mais là-dessus, je le suis un peu moins. Okay. Ben, Michel, pas Michel, mais Maurice, très intéressant. On va s'en parler de temps en temps. C'est très fun de se parler de temps en temps. Ah, il n'y a pas de problème. Vous m'appelez, puis je suis là. Ben, Maurice Dumont, l'ancien directeur des pages sportives au Journal de Sport.